Le violon enchanté par Léopold von Sacher-Masoch. Vlassine Dirochenko avait ceci de singulier, qu'il s'en allait toujours le regard fixé à terre, bien qu'il n'eût réellement aucun motif de baisser les yeux devant qui que ce fût. Il était pauvre, c'est vrai, mais la pauvreté n'est pas chose infamante après tout. Peut-être était-ce parce que les jeunes filles ne l'aimaient pas, et l'évitaient autant qu'il leur était possible de le faire. Quand avez-vous jamais vu ces têtes folles agir autrement qu'en étourdie? Car Vlassine était un beau garçon, voire même le plus beau garçon de Sotvinka. Ses traits énergiques et graves, son teint d'ambre bruni, ses cheveux épais et noirs, coupés courts sur le front, formaient un ensemble auquel deux yeux profonds et rêveurs donnaient quelque chose de doux et de sympathique. Les jeunes filles, séchées et rieuses, le voyait toujours rester silencieux et pensif, au lieu de chanter et de danser comme les autres. Et les jeunes filles l'avaient jugé. Elles ne suivaient pas volontiers le même chemin que lui. Pourtant, s'il se montrait aussi peu communicatif et baissait le regard avec une telle constance, ce n'était peut-être que pour prêter une oreille plus attentive, non pas à ce qui se disait autour de lui, mais à ce qui se passait en lui. Et la mélodie qu'il entendait là, voilée et mystérieuse, était une énigme dont il ne pouvait trouver le mot. Il ne la comprenait pas. Pas plus qu'il ne comprenait la conduite de Dodena, la fille du riche Betskor, qui semblait le détester plus encore que ses compagnes et relevait la lèvre avec une petite moue si dédaigneuse quand elle rencontrait le pauvre garçon. Était-ce pour étudier et pénétrer ce sphinx charmant que Vlassine se cachait souvent derrière un arbre pour l'avoir passé, derrière une colonne pour l'avoir prié, et qu'il ne la quittait pas des yeux. Un soir, Dirochenko traversait le village. La lune était levée, striant d'ombre noire la route qu'elle blanchissait, semant de clous d'argent les corolles des fleurs et les margelles des puits. Le jeune homme aperçut tout à coup une forme humaine de petite taille qui était comme incrustée dans la haie vive. Il entendit une voix tremblotante qui balbutiait des supplications. Vlassine s'approcha et reconnut Abish, un vieillard beaucoup aimé dans le pays à cause de son double talent de violoneux et de chiromancien. On le disait même un peu sorcier, mais sorcier de la bonne acception du mot. « Qu'as-tu donc ?» demanda le jeune homme. « Ce que j'ai, ce que j'ai !» s'écria le malheureux artiste d'une voix déchirante. « Mais tu ne vois pas ce gros chien qui a mon caftan aux dents et veut me mettre en pièces ?» En y regardant bien, Vlassine découvrit un gentil roquet tout mignon qui était en arrêt devant Abish et frétillait de la queue aussi gaiement que peut le faire un animal jeune et inexpérimenté. Il le chassa uniquement pour rassurer le vieillard, qui se décida enfin à quitter son refuge aux parois toutes blanches de fleurs et toutes parfumées. « Tu m'as sauvé la vie, » dit le brave homme avec effusion. « Je ne l'oublierai jamais, je te jure. » Il s'éloigna rapidement. Quelque temps après, ils se revirent dans la steppe. Dirochenko, assis sur une colline, rêvait. « Qu'as-tu ? » fit à son tour le violoneux. « Ce que j'ai. Dieu le sait sans doute, moi je l'ignore. Mais peu importerait cela si je savais pourquoi personne ne m'aime. Pourquoi les jeunes filles se détournent de moi comme de quelqu'un qui a le mauvais œil ? » Eh bien, reprit Abish, puisqu'il en est ainsi, je vais te donner un confident, un ami, auquel tu pourras ouvrir ton cœur, un ami qui te répondra comme te répondrait un ange quand tu l'interrogeras. Et c'est... Le bonhomme ouvrit son talas et en tira un violon qui était loin de paraître neuf. Il le lui tendit en même temps que l'archer. « Ah, je te remercie, » dit Vlassine désappointé, « je ne pourrais m'en servir. » Il n'est pas nécessaire que tu saches jouer. Ce violon, tel que tu le vois, n'est pas un instrument ordinaire. C'est donc un violon enchanté, fit le jeune homme toujours indécis. Le vieux musicien se contenta de hausser les épaules en souriant, et bientôt il disparut sous le couvert des herbages du steppe, comme un oiseau qui regagne en hâte la feuillée. Dirochenko resta donc seul avec sa peine et son violon, dans la plaine immense et solitaire. Ce fut avec d'étranges sentiments qu'il contempla pendant quelques instants le mystérieux présent de son nouvel ami. Enfin, prenant courage, « Pourquoi n'essayerais-je pas ? » se dit-il, ici personne ne peut m'entendre, hormis Dieu, et ce ne peut être un crime, de faire rendre au bois qu'il a créé des sons harmonieux qui chanteront ses louanges. Le steppe se déroulait à perte de vue et le printemps qui le possédait jusque dans ses fibres les plus intimes lui arrachait des vibrations mélodieuses. Les abeilles bourdonnaient par centaines, dans une sorte de pieux murmure. Au-dessus planait le chant clair des oiseaux perdus dans l'air bleu et la lumière chaude et dorée. Vlassine se leva et, promenant ses regards autour de lui, fit glisser l'archet sur les cordes et écouta. Il lui sembla que sur la terre tout se taisait pour se faire attentif. Bientôt les notes, indécises, hésitantes, s'échappèrent rapides et pressées. Ce fut comme l'évanouissement d'un charme funeste sous lequel Dérochenko eût été tenu jusque-là. Il perçut distinctement cette mélodie insaisissable et latente qui était en lui, et il la fit passer tout entière dans le corps sonore de l'instrument appuyé contre son épaule. Il ne comprenait rien à ce miracle, lui qui n'avait reçu de leçons de personne. Il resta longtemps au sein de cette nature qui renaissait, jouant et chantant avec cette pleine jouissance de la liberté que possède l'aigle, roi dans les airs, et le cosaque, roi dans le steppe. Au village ou au travail, c'est avec une sollicitude d'avare qu'il dérobait son trésor aux yeux de tous. Mais lorsqu'il se retrouvait dans l'ombre des forêts ou dans l'immensité de la plaine, là où nul regard ne le voyait, où nulle oreille ne l'entendait, il ouvrait son long vêtement de drap grossier, prenait l'instrument qu'il portait sur son cœur et jouait. C'est ainsi qu'un soir, debout sous le ciel pur et tout constellé d'astres splendides, il faisait redire aux cordes harmoniques leurs notes d'une douceur et d'une mélancolie suaves. Tous les bruits s'étaient apaisés, et les insectes dont fourmille toujours cette mer d'émeraude ne troublaient même pas d'un frôlement d'ailes ce silence imposant et sublime. Mlassine rêvait, et son rêve évoquait les grandes ombres des héros dont les cadavres avaient jonché ce sol lors des grandes luttes contre les Tartares et les Ottomans. Puis le steppe se reprit à parler. Le vent qui passait sur les longues herbes apporta l'écho d'une voix plaintive, et bientôt le jeune homme saisit les paroles d'une vieille chanson, une chanson presque oubliée de Mnielnitski le cosaque, qui se traînait dans l'air toute chargée de parfums. La voix approchait toujours, soudain une tête charmante émergea des vagues vertes. C'était sans doute quelque fée du steppe. Ses yeux noirs et largement fendus exprimaient un étonnement profond. Son visage était d'une grâce ravissante. Son sein était couvert de colliers de corail et de pièces d'or. Mais non, ce n'était pas Roussalka. Les cheveux qu'emprisonnait un foulard blanc étaient bruns et non pas blonds comme les blés. Elle portait sur sa chemise brodée et sa robe de couleur vive une soupmana de drap bleu de ciel. Le cœur de Vlassine bondit dans sa poitrine. Dodena, immobile à trois pas de lui, arracha une fleur, puis une autre, puis encore une troisième, croyant cacher son trouble. « C'est donc toi qui joues si bien ?» dit-elle enfin. Alors, sans répondre un seul mot, il recommença, en se dirigeant lentement vers les profondeurs du steppe, et le violon enchanté se montra réellement digne de son nom. La jeune fille, fascinée par ses accents ardents et passionnés, suivit Vlassine d'un pas indécis d'abord, mais bientôt plus assurée, jusqu'à ce qu'enfin elle posa sa main sur le bras de Dérochenko. Quand il chanta, elle unit sa voix à la sienne. On eût dit le duo du bourdon d'airain et de la clochette d'argent. Ils marchèrent longtemps, heureux comme un couple d'oiseaux sous la ramée. Désormais, ils se revirent tous les soirs, sans jamais se donner rendez-vous. Désormais, Vlassine se conduisit tout autrement que par le passé. Il portait la tête haute et ne baissait plus les yeux en traversant le village. Lorsqu'il jouait, les jeunes filles charmées le suivaient. Lui ne les regardait pas. Il s'en allait sans autre pensée que de rejoindre celle qui l'attendait à l'humide et bas clarté des étoiles, au milieu du steppe infini qui ondule, se moire et murmure comme la mer. Aussitôt, bientôt le bruit courut que Dérochenko avait un violon magique, avec lequel il ensorcelait les cœurs des jeunes belles, et un dimanche que filles et garçons étaient réunis au chevet de l'église après la bénédiction du soir, et que les parents, groupés autour d'eux, s'amusait de leur divertissement. Le jeune homme sortit du temple, son instrument à la main. Aussitôt, une vingtaine de voix se mirent à crier avec un ensemble menaçant. « Allô, le sorcier !» Et les plus délibérés se précipitèrent vers lui. Lassine prit tranquillement son archet et joua. Ils s'arrêtèrent dans leur élan, et comme les sons marquaient une cadence vive et entraînante, filles et garçons se mirent à danser. Bientôt les parents eux-mêmes ne purent résister à cette musique engageante. Ils se joignirent à leurs enfants et rivalisèrent d'ardeur avec eux. Le jeune homme n'avait plus rien à craindre de ses concitoyens. Si bien qu'un jour le vieux Belscor se rendit chez le pope et implora son aide et l'assistance divine pour délivrer sa fille Dodena du sort que lui avait jeté ce misérable Dérochenko. Le prêtre sourit en écartant de la main les cheveux blancs qui retombaient sur son front. « Quant à moi, dit-il, je ne vois pas la moindre sorcellerie dans toute cette affaire. S'il y en a, c'est une sorcellerie bien naturelle, que vous ne pouvez plus comprendre, c'est vrai, mais qui n'offense Dieu en rien. Mais que faire, que faire ? Une chose bien simple, lui donner Dodena pour femme. Voyons en somme, n'est-ce pas le plus brave garçon de Soutinka ? Et si je vous le dis, vous pouvez m'en croire les yeux fermés, car, après Dieu, s'il y a quelqu'un sur terre qui soit même de sonder le cœur des hommes, c'est bien, me semble-t-il, le ministre de Dieu. » Le vieux Belscor n'était pas convaincu. Mais en fin de compte, comme ses soupirs et ses lamentations n'apportaient aucun changement à la situation, force fut de se rendre à l'argument. Maintenant, Dodena est la femme de Vlassine. Quand ils s'en vont dans le steppe, et qu'alors le violon enchanté vibre, harmonieux et pénétrant, pendant que les deux voix se marient et montent unies vers le ciel pur et bleu, il n'est pas en ce monde de couple dont la félicité soit plus profonde et plus complète. C'était Le violon enchanté par Léopold von Sacher-Masoch.